Proverbe chapitre 22. La renommée est préférable aux grandes richesses, et la bonne grâce plus que l'argent ni l'or. Le riche et le pauvre s'entre-rencontrent, celui qui les a tout faits, c'est l'Éternel. L'homme bien avisé prévoit le mal, et se tient caché, mais les nuits passent, et en paie l'amende. La récompense de la débonnaireté, et de la crainte de l'Éternel, sont les richesses, la gloire et la vie. Il y a des épines et des pièges dans la voie du pervers, celui qui aime son âme, s'en retirera loin. Instruit le jeune enfant à l'entrée de sa voie, lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en retirera point. Le riche dominera sur les pauvres, et celui qui emprunte, sera serviteur de l'homme qui prête. Celui qui sème la perversité, moissonnera le tourment, et la verge de son indignation prendra fin. L'œil bénin sera béni, parce qu'il aura donné de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur, et le débat sortira, et la querelle et l'ignominie cesseront. Le roi est ami de celui qui aime la pureté de cœur, et qui a de la grâce en son parler. Les yeux de l'Éternel protègent la science, mais ils renversent les paroles du perfide. Le paresseux dit, le lion est là dehors, je serai tué dans les rues. La bouche des étrangers est une fosse profonde, celui que l'Éternel a en détestation, y tombera. La folie est liée au cœur du jeune enfant, mais la verge du châtiment la fera éloigner de lui. Celui qui fait tort aux pauvres pour s'accroître, et qui donne aux riches, ne peut manquer de tomber dans l'indigence. Prête ton oreille, et écoute les paroles des sages, et applique ton cœur à ma science. Car ce te sera une chose agréable, si tu les gardes au-dedans de toi, et si elles sont rangées ensemble sur tes lèvres. Je te l'ai aujourd'hui fait entendre, à toi, dis-je, afin que ta confiance soit en l'Éternel. Ne t'ai-je pas écrit des choses convenables au gouverneur en conseil et en science, afin de te donner à connaître la certitude des paroles de vérité, pour répondre des paroles de vérité à ceux qui en voient vers toi? Ne pille point le chétif, parce qu'il est chétif, et ne foule point l'affligé à la porte. Car l'Éternel défendra leur cause, et enlèvera l'âme de ceux qui les auront volés. Ne t'accompagne point de l'homme colère, et ne va point avec l'homme furieux. De peur que tu n'apprennes son train, et que tu ne reçoives d'un piège dans ton âme. Ne sois point de ceux qui frappent dans la main, ni de ceux qui cautionnent pour les dettes. Si tu n'avais pas de quoi payer, pourquoi prendrait-on ton lit de dessous toi? Ne recule point la borne ancienne que tes pères ont faite. As-tu vu un homme habile en son travail? Il sera au service des rois, et non à celui des gens de basse condition.